Toujours à l'occasion de la journée de Sangun, il y a eu le 19 au Comité national d'études des études jutsus du Bénin, une séance de lecture sur l'œuvre classique du camarade Kim Jong-il. Le Sangun est une éminente ligne révolutionnaire de notre époque et la bannière de l'invincibilité de notre révolution, et une exposition de livres et de photos coréens au complexe hospitalier Farida de l'état de Zamfara du Nigeria. Y ont pris part les personnalités de divers milieux et les habitants des pays hôtes. Les orateurs ont exalté les exploits impérissables du grand homme coréen qui a transformé la Corée en puissance politique, idéologique et militaire par son originale politique de Sangun.